Allô, Terre, appelle Fusée Lunaire. Explorer de nouveaux mondes étranges. Fusée Lunaire, répondez, répondez. Découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Sur France Inter. Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers? Le temps d'un bivouac. Le temps d'un bivouac. Alors nous sommes allés voir. Daniel Fievé. Résumons la situation. Nous habitons une planète qui tourne autour du Soleil. Notre Soleil est l'une des 200 milliards d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Et des galaxies dans l'univers, les scientifiques estiment qu'il y en a entre 100 et 200 milliards. Comment comprendre cet univers vertigineux qui nous entoure depuis notre tout petit poste d'observation sur notre minuscule planète? Le défi semble totalement irréaliste. Pourtant, avec leurs télescopes, les astronomes obtiennent des résultats prodigieux. Ils ont par exemple réalisé une image de l'univers 370 000 ans seulement après sa naissance. Ils ont aussi compris comment les galaxies s'organisent les unes par rapport aux autres. Mais en affinant leur théorie et en se dotant d'instruments d'observation de plus en plus précis, les scientifiques s'aperçoivent que l'essentiel leur échappe. 95% du cosmos serait fait d'énergie noire et de matière noire, entité énigmatique dont nul ne sait expliquer ni l'origine ni la nature. Alors que savent exactement les scientifiques de notre univers? Et que leur reste-t-il à découvrir? Cet après-midi, nous partons explorer les tréfonds du cosmos. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Je ne sais si nous reverrons jamais le globe terrestre. Daniel Fievé. Nous sommes transportés dans l'espace. Le temps d'un bivouac. Observe. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Hervé Doll. Bonjour Daniel. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université Paris-Sud et l'université Paris-Saclay. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Le côté obscur de l'univers » aux éditions Duno. Vous allez donc partager avec nous les dernières découvertes réalisées grâce au télescope toujours plus puissant des scientifiques. Nous verrons aussi ce qui leur échappe encore dans la compréhension de l'univers. Et puis vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous partirons explorer le plus grand désert chaud de la planète, le Sahara. Voilà pour les explorations du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Océane Théard. À tous les DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP et décollage VA243, sortie Ariane 5. On ouvre ce bivouac avec le 100e décollage de la fusée Ariane 5 en 2018. C'est un moment fort dans la vie d'un astrophysicien, le décollage d'une fusée. C'est d'ailleurs en assistant au décollage d'une fusée au siège de l'Agence spatiale européenne en 1995 que vous avez eu le déclic, Hervé Doll. Bah complètement. J'en ai encore des frissons en entendant votre son et puis en repensant à ça à l'époque. Alors l'astrophysique, j'avais envie d'en faire depuis tout petit, mais entre l'image un peu romantique qu'on en a quand on est enfant, regarder les étoiles, l'été, etc., en famille, et puis le métier qui est beaucoup plus technique, il y avait une différence. Et effectivement, quand j'étais à l'époque en DEA, donc l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, j'ai eu la chance d'assister avec des copains de promo au décollage d'ISO. Donc ISO, c'est un satellite qui était dans la coiffe de la fusée. C'était un satellite européen, le premier grand satellite européen qui allait découvrir plein de choses que j'allais faire pendant ma thèse à l'époque. C'était une nouvelle fenêtre vers l'infrarouge, qui est une nouvelle couleur qu'on n'avait pas à l'époque. Et un de mes professeurs, Jean-Loup Puget, nous avait invité, nous avait permis de venir. Et on sentait la tension dans cette salle. C'était à Paris, hein. Une tension. En plus, le tir avait été reporté. Et puis, on voyait que c'était 20 ans de leur vie qui se déroulait sous leurs yeux. Alors, nous, on était jeunes étudiants. On était là un petit peu tranquilles, mais on sentait cette tension. Et puis après, tout le monde s'est congratulé. Et en fait, c'est le début d'une aventure parce que le lancement n'est qu'une étape importante, certes, mais qu'une étape. Et après, on a vu les résultats. J'ai travaillé dessus. Et c'est vraiment un moment magique et majeur parce que c'est des nouveaux résultats qui vont arriver. Ouais. Et si les scientifiques sont à ce point crispés et retiennent leur souffle, c'est que la création du satellite, la construction du satellite, ça prend du temps. Une mission de cet ordre, c'est des années et des années de travail. Si la fusée part en fumée au décollage, s'il y a un problème au moment de la mise en orbite, tout ça tombe à l'eau et il faut tout reprendre à zéro. Et il faut tout reprendre à zéro. Alors, dans l'histoire quand même du spatial européen et états-unien, mettons, les échecs sont quand même très très rares. Les équipes d'ingénieurs, d'industriels, etc., de scientifiques sont quand même très très très au point avec les Russes aussi. Donc les échecs sont marquants, évidemment, surtout quand il y a des morts. Mais là on parle que de missions automatiques pour la science. Les échecs sont quand même très très rares, mais le risque est là. Hein. C'est mon chef quand je travaillais pour la NASA aux États-Unis me disait, c'est le professeur George Wecky, il me disait, c'est quand même étonnant que l'esprit humain qui était quand même programmé pour s'échapper au lion dans la savane et trouver à manger ait réussi à imaginer des systèmes tellement complexes avec des millions de raisons qui font que ça pourrait ne pas fonctionner, et ben réussit quand même à aller dans l'espace. Ouais. Alors on envoie différentes sortes de télescopes comme ça dans l'espace. Pourquoi justement on place ces instruments au-dessus de nos têtes alors qu'on peut aussi, d'ailleurs on le fait toujours, en mettre sur le sol? Oh non, mais même dans le sous-sol, sous la mer, sous la glace et en dessous des montagnes. L'idée générale, c'est d'essayer de comprendre quelles sont nos origines, d'où venons-nous, quelle est l'origine de la Terre, vous l'avez dit au début, l'origine du système solaire, de la galaxie, de quoi est fait l'univers, quelle est son origine. Et pour ça, observer avec un seul type de télescope apporte des réponses, mais n'est pas suffisant. Et on a découvert dès les années 1930 qu'il y avait d'autres types de lumière que la lumière auxquelles nos yeux sont sensibles. C'était les ondes radio, qui transportent notre voix aujourd'hui sur France Inter par la bande FM. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a d'autres ondes lumineuses, les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, etc. Mais l'essentiel de ces rayonnements sont invisibles depuis le sol terrestre grâce à l'atmosphère qui nous protège. En fait, si nous sommes là à en parler, c'est que l'atmosphère nous protège de ces rayonnements en partie nocifs, pas tous. Et donc, aller dans l'espace au-delà de notre atmosphère nous permet, en fait, d'avoir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Un peu comme si vous viviez avec des lunettes, avec des voiles dessus, et puis vous les ouvrez tout d'un coup, vous voyez tout le paysage. Et ben, quand on va dans l'espace avec des robots surtout avec des robots ou des télescopes automatiques, on a une nouvelle fenêtre. Alors, c'est pas qu'elle est mieux que ce qu'on fait au sol, mais elle est complètement complémentaire. Alors, une des missions dans laquelle vous avez été particulièrement impliqué, c'est la mission Planck. Dans les premières images réalisées par le télescope Planck qui avait été mis en orbite et puis qui ont été publiées, ça a suscité un enthousiasme fou jusque sur notre antenne. Intersoir. Des photos de l'univers plus précises que jamais. Ce sont des images assez incroyables que vient de livrer le satellite européen Planck. Photographie du cosmos 380 000 ans après le Big Bang. Autrement dit, la prime jeunesse de l'univers comme on ne l'avait jamais vu, Sophie Bécherel. Oui, et on aurait tort de ne pas s'enthousiasmer comme les astrophysiciens à la vue de cette image de l'univers bébé qui a des airs de nymphéa de Monet. Car ce que nous livre le satellite Planck, c'est quand même le souvenir de notre passé. Des étoiles aux hommes, nous sommes tous issus de cette soupe de matière originelle. Alors cette carte du rayonnement fossile, c'est en somme la photo jaunie de l'enfance obtenue avec une précision 20 fois supérieure à ce qu'on avait jusqu'ici. Nous étions en mars 2013, on sent tout l'enthousiasme des journalistes et de Sophie Bécherel, la journaliste scientifique de France Inter. Il y avait de quoi être enthousiaste. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec ce télescope, là encore, spatial? C'était juste extraordinaire. Alors là, je suis jugé parti, mais c'était absolument extraordinaire. Une prouesse technologique majeure. On avait l'instrument le plus froid jamais conçu, 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, donc 100 millikelvin, pour ceux qui connaissent les degrés Kelvin. Et grâce à cet instrument ultra froid, conçu notamment à Orsay, on a mesuré cette lumière fossile de l'univers avec une précision jamais égalée. Alors, on l'a pas découverte, elle est connue depuis les années 60 pour sa découverte, et puis les années 90-2000 pour ces petites fluctuations qui nous disent on vient de ces petits grumeaux qui sont primordiaux, qui sont vraiment au début de l'univers. On n'est pas sûr de tout comprendre, alors il y a des modèles qui existent, modèles d'inflation, etc. Mais grâce à Planck, on a vu ces petits grumeaux d'une manière mais inégalée, et pour la première fois, on n'était pas limité par le bruit des instruments. Vous savez, quand vous faites des photos en astronomie, il y a toujours un peu de bruit parce que c'est très compliqué. Et là, des parasites, ce que vous appelez du bruit, ce sont des parasites exactement, sur l'image. Des parasites sur l'image. Et là, on avait un instrument tellement évolué que des parasites, il n'y en avait quasiment plus. Il y en avait encore, mais vraiment quasiment plus. Mais qu'est-ce que vous appelez cette lumière fossile qui nous vient du fond des âges de l'univers? C'est quoi exactement? Alors, c'est l'écho lumineux du Big Bang. Alors, en deux mots, on a découvert dans les années 1930 que l'univers est en expansion. Donc, l'univers est en expansion, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'univers s'étend. Si on remet le film à l'envers, donc dans le passé, c'est que l'univers était un peu plus dense, et de plus en plus dense si on va de plus en plus dans le passé. Et il arrive un moment où il est tellement dense, il devient très très très chaud, et il arrive un moment, donc c'est quelques minutes après le Big Bang, hein, pour faire simple, en fait la matière et la lumière étaient complètement en équilibre, c'était une soupe complètement homogène. Et complètement opaque alors à ce moment-là, on ne voyait rien. Opaque mais brillante. Alors de toute façon il n'y avait personne, il n'y avait même pas des atomes, etc. Oui. Mais effectivement, mais j'aime bien votre question, effectivement, on n'y voyait rien. Mais c'est un peu comme l'analogie avec le brouillard d'hiver, elle est assez bonne, c'est pas la même physique, mais c'est assez bon. Quand on est dans un brouillard très épais, je sais pas, début décembre, en plein jour, on voit pas le paysage. On voit de la lumière autour de nous, mais on voit aucun paysage, parce que la lumière, elle est complètement diffusée. À cette époque-là, donc très tôt dans l'univers, quelques minutes jusqu'à quelques centaines de milliers d'années, la matière était tellement chaude qu'elle piégeait la lumière. Donc il y avait beaucoup beaucoup de lumière, il faisait très très chaud, hein, des milliers de degrés, voire plus selon les époques, mais la lumière était toujours piégée, un peu comme aujourd'hui au centre du Soleil. En fait, vous vous êtes peut-être jamais posé la question, mais pourquoi on n'arrive pas à voir à l'intérieur du Soleil? On ne voit que sa surface. Ben, c'est la même physique, c'est tellement chaud à l'intérieur que la lumière, elle est piégée. Et c'est opaque. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de lumière, et c'est opaque, ça ne se propage pas. Mais il y a un moment, quand l'univers se refroidit en s'étendant, il y a une transition, les fameux 380 000 ans ou 370 000 ans, c'est presque pareil. La lumière peut s'échapper enfin de la matière. Donc toute cette lumière qui était concentrée, très chaude, etc., enfin elle se libère dans l'univers. Et aujourd'hui, on la voit. C'est ça que vous avez capté, c'est ces premiers rayons lumineux Exactement. Qui ont pu s'échapper de la matière. Exactement. Ils se sont échappés, vous l'avez dit, 380 000 ans après le Big Bang. Donc on est 13 milliards d'années en arrière. Comment vous avez capté ce rayonnement lumineux qui a été émis il y a 13 milliards d'années? Alors, il y a un côté facile et un côté difficile. Le côté facile, c'est qu'en fait, ce rayonnement nous baigne complètement. On est dans un bain de ce rayonnement. Faut pas oublier qu'on est dans l'univers. Et cette lumière, elle est dans l'univers. Donc, c'est un peu comme si vous êtes dans une pièce. Alors, ici, on est dans un beau studio. Eh ben, il y a de la lumière du fond cosmologique qui est partout. C'est juste, donc ça, c'est le côté facile. C'est qu'il y en a partout, autour de nous. Le côté difficile, c'est qu'elle n'est pas très visible, vous en doutez peut-être. Il faut aller dans des ondes millimétriques, donc elles sont invisibles à nos yeux, parce que c'est une lumière qui correspond à une température très très très froide, hein, moins de 270 degrés. Donc c'est comme si vous aviez de la lumière issue d'un corps à moins de 270 degrés. Donc il faut aller observer avec des micro-ondes, un peu comme ce qu'il y a dans nos fours, mais sauf que là on fait pas de l'émission, on fait de la réception. Et donc c'est pour ça qu'il fallait cet instrument ultra-froid, qui s'appelait Planck HFI, pour capter... un à un, ces petits photons très faibles, mais qui sont très très nombreux. Et le problème, c'est que, par exemple, un des problèmes, il y en a eu beaucoup, mais vous parliez de Voie lactée tout à l'heure, qui est notre galaxie, qui est très belle, qu'on peut voir l'été avec, si vous allez dans la campagne, la nuit, vous voyez cette belle Voie lactée. Mais la Voie lactée est quelque chose comme 1 million de fois plus brillante que cette petite lumière du fond cosmologique. Ouais, donc il a fallu filtrer en fait. Il a fallu filtrer et c'était très compliqué. Ouais, et vous y êtes arrivé. Collectivement. Alors moi personnellement non, mais on est 500 collègues. Ouais. Enfin il y a des grandes équipes derrière. L'astrophysique aujourd'hui c'est une aventure collective. C'est une aventure complètement collective. Ouais. Alors lorsque l'univers était tout jeune avec ses 400 000 ans, à ce moment-là on l'a compris, il n'y a pas encore d'étoiles, il n'y a pas encore de galaxies. À quoi ça ressemble en fait? Ça ressemble. Alors ça serait un petit peu triste. Ça serait juste de l'hydrogène neutre. Donc du gaz, de la matière noire qu'on voit pas et dont on ignore encore la teneur, un peu de neutrinos et pas mal de lumière et c'est à peu près tout. Ouais, alors vous venez de citer le mot qui fâche ou en tout cas qui intrigue, c'est cette matière noire. C'est-à-dire que la plupart de ce qu'on voit quand on parle des planètes, des galaxies, des étoiles, tout ça est fait d'atomes, de matière que l'on connaît bien. Mais en fait tout ça, c'est... à peine 5% Exactement. De ce qui constitue réellement notre univers. Exactement. Alors, il en manque un sacré morceau. Il est fait de quoi, ce sacré morceau? Alors, il en manque un très gros morceau, et ça, avec le satellite Planck et d'autres données qu'on a combinées, on l'a bien mesuré. Il y a à peu près, donc si vous prenez 100%, on appelle ça le camembert cosmique, hein, donc vous prenez un camembert, vous mettez à peu près 5%, c'est les atomes, on appelle ça la matière ordinaire ou la matière baryonique, c'est tout ce qu'on connaît dans notre quotidien, les atomes, etc. Il y a à peu près 26% qui est de la matière noire, et le reste, alors je sais plus combien, si ça fait 72% ou 69%, j'ai plus les derniers chiffres, mais enfin vous faites la différence, c'est de l'énergie sombre ou dark energy, énergie noire. Alors la question qui vient tout de suite, c'est mais comment on arrive à savoir ce que c'est, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est précisément. À savoir que ça existe, Exactement. Même si on ne sait pas du tout ce que c'est. Alors l'analogie que je donne souvent, c'est l'air que nous respirons. nous respirons de l'air tous les jours. Voilà. Quand on s'évente, on sent bien de l'air sur nos joues. Mais personne n'a jamais vu des molécules d'air, qui sont voilà, de l'azote, de l'oxygène, etc. Donc même si on ne voit pas l'air, on sait qu'il est présent, notamment par sa température. On voit bien quand il fait chaud, quand il fait froid, et par sa pression. Voilà, pression, température. Donc même si on ne voit pas quelque chose, si on peut mesurer sa pression et sa température, on peut quand même dire des choses. Et les scientifiques du 17e, 18e siècle ont découvert plein de choses sur l'air sans le voir vraiment. Mmh. Et ben nous, dans l'univers, on fait pareil avec ce qu'on connaît pas. On dit, il y a juste une pression et une densité. Bon, c'est pareil que la température, à peu de choses près. Bon. Une densité et une pression. On met ça dans un modèle et on essaie d'ajuster les données. Et quand on met pas ces composantes sombres, on appelle ça les composantes sombres. C'est-à-dire qu'on dit, on n'y croit pas, matière noire, tout ça, c'est pipeau. On n'arrive absolument pas à ajuster ce qu'on observe. Ouais. Mais quand on les insère, ça marche très très bien. Ouais. Alors quand on les insère dans nos équations, oui. Mais de là à penser que ce sont les équations qui sont fausses et que finalement peut-être qu'elles n'existent pas, certains le disent aussi. Exactement. Hein. Ouais. Alors là je vous fais un résumé, mais il y a beaucoup d'autres arguments qui sont pour la promotion de la présence de matière noire. Mais effectivement, on peut pas exclure, ça serait présomptueux de ma part, surtout moi qui suis pas complètement spécialiste de matière noire, de dire bah la matière noire existe et puis les théories sont celles-là et pas autrement. Ouais. Donc effectivement, il y a des travaux en ce sens qui sont encore très difficiles. Et puis il y a des observations qui se poursuivent, notamment futurs télescopes qui sera envoyé Euclide. Alors, ils ont tous des noms d'anciens astronomes, hein, donc on les remet un petit peu au goût du jour. Mais c'est bien du télescope Euclide dont on parle. Lui, il doit être lancé en 2022. En 2022, exactement. Il pourrait nous permettre d'en savoir un peu alors, plus. Alors Euclide va vraiment nous permettre de mieux comprendre la matière noire et l'énergie sombre. C'est aussi une mission européenne avec un très fort soutien des agences, notamment françaises, le CNES, les universités et organismes. Et Euclide va répondre à des questions fondamentales à propos de la matière noire et de l'énergie sombre. Euclide ne va pas nous dire ce que c'est, malheureusement. Je peux pas vendre ça, ni le dire. Oui. En revanche, on aura des images tellement précises qu'on pourra déduire la présence de matière noire autour de plein de galaxies, jusqu'à à peu près plus de la moitié de l'âge de l'univers. Et on pourra mesurer le taux d'expansion de l'univers qui est lié, en fait, à la présence d'énergie sombre. Ouais. Nous poursuivons notre exploration de l'univers avec l'astrophysicien Hervé Dolle, à qui vous pouvez adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr. ou la page Facebook du temps d'un bivouac. So much fun. So now, how could we both forget telling each other we're the one? We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me, close as any two can be. Now we're strangers in the night, awkward in the dark. Oh, baby, do you wanna make it better? We got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Do you wanna make it better? Make It Better, c'était Anderson Paak sur France Inter. Dans l'espace, les astronautes et les astronomes font bon ménage. 6 passagers à bord de la navette américaine Discovery, plus le fameux télescope Hubble, l'instrument scientifique le plus coûteux et le plus sophistiqué jamais envoyé en l'air. Le télescope Hubble, télescope spatial destiné normalement à nous apprendre beaucoup de choses sur nos origines et la formation de l'univers, a, on le sait, quelques ratés, c'est peu dire. Les images transmises à la NASA sont floues, et voilà que l'on apprend ce matin qu'il s'agirait d'une grossière erreur de lentille, un peu comme si votre opticien vous procurait des verres mal adaptés à votre vue. Les images que nous révèle le satellite Hubble, remis de sa myopie, sont absolument superbes, puisqu'ils nous permettent de voir jusqu'à 14 milliards d'années-lumière en arrière. Voilà en quelques extraits la saga du télescope Hubble. Alors c'est peut-être le télescope spatial le plus connu, il nous a envoyé des images absolument superbes. Il est opérationnel depuis 1990 ce télescope, ça avait mal démarré, hein. On l'a entendu Hervé Dolle. Ça avait mal démarré parce que dans le spatial on fait beaucoup de tests, mais il y a un test qui était très difficile à faire, c'était justement de mesurer complètement le système optique, ça demandait des très grosses infrastructures. Bon, il y a une histoire longue autour de ça, mais ils n'ont pas fait ce test-là. Donc en fait c'était le miroir le mieux poli de la planète, il était poli avec une précision ultra bonne, mais le rayon de courbure était pas le bon. Ouais, ça fait pas très sérieux. Hein. Bah c'est compliqué, c'est très compliqué. Je veux pas jeter la pierre, mais c'est très compliqué. Mais on a réussi à lui mettre des lunettes. Oui, après et ils ont remis une lentille au foyer et ça s'est arrangé. Alors ça fait 29 ans, il est toujours opérationnel. Hein. Il devait durer aussi longtemps ce télescope non, ou il a été prolongé. C'est prévu. Alors je sais plus quelle était sa durée nominale, mais ça a été vraiment étendu. Alors on a eu quand même une petite frayeur. Je crois que c'était l'été dernier où il y a encore un gyroscope qui est tombé en panne. Ouais. Il en faut au moins 3, donc il y en a 6 de mémoire. Donc c'est ce qui lui permet de s'orienter. C'est un système qui permet de s'orienter, voilà. Donc il y a des petits moteurs, mais pour savoir où il est, il a besoin des gyroscopes. Et il y en a qui étaient tombés en panne et on avait peur qu'il ne puisse plus s'orienter, mais tout est rentré dans l'ordre. Alors son désorbitage, c'est-à-dire il va descendre de son orbite et ce sera la retraite, ce sera même la fin pour lui, c'est prévu pour 2021. Entre-temps, il aura pris des clichés superbes, on en a tous vu. Mm-hmm. En quoi il a aidé les astrophysiciens? Eh bien, il a beaucoup aidé. Ben, dans le reportage que vous venez de nous faire écouter, le journaliste dit 14 milliards d'années. À l'époque, on ne connaissait pas l'âge de l'univers avec précision. Aujourd'hui, donc, grâce à Hubble et Planck, même si les résultats ne sont pas en accord à une fraction de pourcent près, on est à 13,79 milliards d'années. Alors, ça paraît anecdotique, 14 versus 13,8. Mais en fait, Hubble a permis de montrer, notamment grâce aux supernovae, sur ces étoiles qui explosent très très lointaines, de montrer l'expansion accélérée de l'univers. Et ce qui a valu des prix Nobel dans les années 98, 2000. Donc ça a permis de découvrir plein de choses, des planètes du système solaire jusqu'aux confins de l'univers avec cette expansion accélérée. Mais Hubble n'a pas été hyper loin, il est allé quand même très très loin. Alors je pourrais donner les chiffres, mais je vais pas embrouiller tout le monde. Ouais. Il est allé très très loin pour voir des galaxies lointaines, mais ce sont encore des galaxies presque normal, voilà. Donc on voudrait aller encore un petit peu plus loin. Ouais. Alors il regarde dans le visible, Hubble. Hubble regarde dans le visible essentiellement, un petit peu dans l'ultraviolet et un petit peu dans l'infrarouge. C'était mes collègues d'Arizona qui ont fabriqué la caméra qui observait dans l'infrarouge, mais elle avait une durée de vie limitée à cause du refroidissement. Donc aujourd'hui, Hubble n'observe que dans le visible essentiellement. C'est intéressant et intrigant, hein, cette idée qu'on peut regarder le ciel avec des yeux que nous n'avons pas vraiment et capter des lumières, des longueurs d'onde auxquelles on n'a pas accès directement. Exactement. Avec nos yeux. Vous pouvez faire l'expérience avec votre smartphone, hein, selon la marque, hein, je ne vais pas faire de pub, mais si vous prenez une télécommande de télé, par exemple, et que vous mettez votre smartphone en position vidéo et que vous filmez la télécommande, vous verrez la petite lumière s'allumer, la petite lumière infrarouge. Or, vous ne la voyez pas avec vos yeux. Donc, en fait, votre smartphone, déjà, détecte de l'infrarouge proche. Alors, selon la marque, hein, si il y a plusieurs marques, vous verrez. Donc, en fait, même dans l'expérience presque quotidienne, on peut imaginer qu'il y a des lumières invisibles. Est-ce que si on regardait le ciel, alors depuis la Terre, vous nous avez dit, il y a quand même l'atmosphère qui protège un petit peu. Mais si on regardait avec nos yeux l'univers, on verrait un ciel étoilé. Ça ressemble à quoi si on le regarde dans l'infrarouge ou dans l'ultraviolet? Alors c'est assez différent, c'est ça qui est fascinant. Alors nous, on reçoit des images en fausse couleur quand on le recode, hein, mais les signaux que nous envoient nos satellites, infrarouge ou UV, nous montrent un ciel complètement différent. Par exemple, dans l'infrarouge, que je connais un peu mieux, vous avez quasiment tout le ciel est brillant à cause de la poussière dans la Voie lactée. Notre Voie lactée qu'on voit un peu lumineuse dans le ciel d'été avec nos yeux sur Terre, en fait, est très très très brillante dans l'infrarouge et s'étend sur un peu plus de la moitié du ciel. Donc en fait, vous verriez une sorte la moitié du ciel très très brillante dans les longueurs d'onde infrarouges. Ouais. C'est un monde tout aussi réel et qui existe tout autant que celui que nous percevons avec nos yeux. Mais voilà, quand on le regarde différemment, auquel on n'est pas exactement sensible. Il a une autre allure. Alors vous avez dit Hubble, il nous a permis de regarder loin, mais on pourrait aller encore plus loin. Et déjà, les satellites, télescopes qui permettront de le faire sont déjà quasiment prêts à être envoyés. Quasiment opérationnels. Alors il y a JWST, donc le James Webb Space Telescope, qui va être le successeur de Hubble, qui est un télescope NASA, mais ne l'oublions pas, ESA aussi, hein, parce que Hubble a aussi une contribution européenne. Alors, donc là, ESA, c'est l'agence spatiale européenne, voilà. C'est la NASA de l'Europe. Exactement, donc il y a aussi une contribution, voilà, faut faire cocorico européen aussi de temps en temps. Et le James Webb va être lancé d'ailleurs par une Ariane 5, parce que figurez-vous que nos amis américains n'ont pas de lanceur assez puissant pour envoyer le James Webb, bon, soit dit en passant. Et prend pour les Américains. Voilà, non, mais voilà, mais ils font un beau James Webb, qui en fait, ça sera le plus grand télescope jamais envoyé. Il aura un diamètre de 6,50 m. Alors 6,50 m, on ne peut pas le mettre dans une fusée. Eh oui. C'est trop grand. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont replié en trois morceaux. Et là, ça rentre dans la coiffe, en haut de la fusée. Ariane 5 partira dans 2021, je crois. Quand vous dites on a replié, c'est le miroir. Le miroir. Donc on imagine la précision du travail de mettre un miroir en plusieurs parties, en pièces détachées. Alors il est en plusieurs parties, effectivement. Si les gens se posent la question, on ne peut pas plier un miroir, circulaire. En fait, c'est plusieurs petits miroirs hexagonaux. Enfin, ils font quand même presque 2 mètres chacun. Et en fait, avec ces miroirs hexagonaux, quand on les replace, ça fait une sorte de cercle. Et ils sont repliés en trois morceaux, effectivement. Et une fois que JWST sera dans l'espace, il sera déployé. Et pendant plusieurs semaines, il y aura des tests pour aligner chacun des miroirs à la fraction de micron près, donc 10,6 mètres, pour que le miroir soit parfait et les observations pourront commencer. Tout ça à combien de milliers de kilomètres de Alors, la Terre? Alors, les kilomètres, je ne sais pas trop, mais ça sera 1 500 000 kilomètres, c'est-à-dire c'est le point de Lagrange L2, donc c'est 4 fois la distance Terre-Lune, comme Planck et Herschel. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'opérations de précision au micromètre près à 1 500 000 kilomètres de la Terre. Oui, il faut quand même une technique. Alors j'espère qu'on fera pas le même coup qu'avec Hubble et qu'il sera pas myope Des indiscrétions que de mes collègues américains nous disent que l'un des fabricants qui est une grande compagnie américaine ont déjà construit ce genre de télescope, malheureusement pas pour regarder l'univers mais pour regarder le sol pour les militaires. D'accord. Voilà. Alors il permettra de regarder jusqu'où ce James Webb télescope. Alors le James Webb permettra, avec donc une forte contribution européenne, notamment les instruments du CEA, etc., de regarder, on espère, les premières galaxies. Alors, une grande énigme qui est, qu'est-ce qui est arrivé en premier, des étoiles ou des galaxies? Alors, en fait, c'est un peu un faux problème. On comprend un peu comment les choses se sont passées, mais les premières étoiles dans les premières galaxies, on a du mal à comprendre comment ça s'est vraiment passé. Mmh. Et James Webb, avec ses observations visibles et infrarouges, devrait nous permettre, dans une certaine mesure, de repousser les limites de Hubble actuellement et d'aller beaucoup plus loin. Mmh. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en gros, au lieu de Hubble voyait en gros les 500 premiers millions d'années, et James Webb devrait réussir à aller jusqu'aux 200 premiers millions d'années. Ce sont des, vous le dites d'ailleurs de façon tout à fait naturelle, mais ce sont des machines à remonter le temps. C'est-à-dire que plus on voit loin et plus on voit tôt. C'est vrai. Alors j'ai oublié, effectivement, pour moi c'est un peu évident. À cause de la finitude de la vitesse de la lumière, la lumière se propage à une vitesse finie, hein, 300 000 km à la seconde, mais l'univers est tellement grand qu'en fait, la lumière met beaucoup de temps à nous parvenir. Alors là, je vous vois devant moi tel que vous étiez il y a une fraction de seconde, mais si je regarde la Lune est à 1 seconde lumière de nous. Le Soleil est à 8 minutes lumière, les planètes lointaines du système solaire, quelques heures. Et plus on va loin, plus en fait on regarde dans le passé. Donc en fait, on remonte le temps de manière complètement naturelle grâce à la lenteur, entre guillemets, de la lumière. Oui, à la lenteur, tout est relatif. Exactement. On est d'accord. À ce jour, on n'a jamais vu une galaxie naissante, une toute première galaxie. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, les galaxies se forment par morceaux et par hiérarchie. Donc en fait, même aujourd'hui, il y a des galaxies qui se forment pas très loin de nous, mais disons, elles sont dans un milieu contemporain. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des galaxies... Donc pour répondre à votre question, on a déjà vu des galaxies très très jeunes par rapport à leur formation, mais très tard dans l'univers. D'accord. Nous, ce qu'on voudrait, c'est les premières galaxies, parce que la composition de l'univers était un petit peu différente, et on a du mal à comprendre comment les premières étoiles naissent à partir juste de l'hydrogène. Oui, donc ça va être des images encore Ça va être des images fabuleuses, exactement. On est pressé de voir ça. Ces télescopes spatiaux sont très utiles, on l'a compris, mais on continue d'en construire d'un gabarit bien plus impressionnant, notamment au Chili, dans le fameux désert d'Atacama, dans lequel on n'hésite pas à déplacer des montagnes pour les beaux yeux de l'astronomie. Nous faisons exploser le sommet de cette montagne pour le niveler et y installer une structure qui éclipsera tout ce que nous avons construit auparavant. Dos, uno. Peut-être que depuis ici, à 25 km de distance, ça a fait juste un petit pouf. Mais en réalité, nous avons dynamité 5000 mètres cubes de roche. Environ 11 000 tonnes de roche se sont retrouvées propulsées dans les airs. Et voilà à quoi ressemblera la structure qui va y prendre place, l'EELT, édifié par l'ESO, l'Observatoire européen austral, qui sera doté d'un miroir de 39 mètres, un record. On est vraiment au milieu de nulle part. On a construit une route, une plateforme, et on doit tout créer pour accueillir la plateforme. Il y a un tas de difficultés. Il faut fabriquer les pièces en Europe ou ailleurs, les faire transférer ici. Ça fera énormément de conteneurs de pièces. Les assembler ici sur site, alors qu'il y fait sec, très sec, qu'il y a beaucoup de soleil et de rayonnement, et ensuite il faut faire tenir tout ça au sommet de la montagne. Ce sont des travaux absolument pharaoniques hein, qui sont réalisés dans ce désert d'Atacama, au Chili, où il y a déjà beaucoup de télescopes. On en rajoute encore un supplémentaire avec ce EELT. Pourquoi on les agglutine tous dans ce désert d'Atacama, ces télescopes ? Eh bien, parce que c'est l'un des meilleurs sites du monde, très sec, parce que l'humidité gêne, très haut, parce qu'il y a moins d'eau dans l'atmosphère, et donc on a une atmosphère très limpide et très stable pour avoir des images très précises. Alors le EELT pour European Extremely Large Telescope, donc il va être gigantesque ce télescope, un miroir de 39 mètres de diamètre, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, aucun équivalent au monde, même les Américains font pas aussi grand, en tout cas dans les projets actuels. 39 mètres de diamètre, alors j'ai vérifié parce que je suis sportif mais pas en salle, c'est deux terrains de handball, de hand que vous mettez côte à côte et voilà, et dedans vous pouvez mettre un télescope de 39 mètres. Ça va être extraordinaire, mais comme le James Webb dont on parlait un instant, il aura quelques limitations, donc en fait il sera vraiment optimisé pour certains types d'observations. Alors vous donner un exemple, James Webb Space Telescope détectera des galaxies dont on pensera que ce seront les premières galaxies, mais James Webb aura du mal à les confirmer tout seul. Qu'est-ce qu'on fera ? On ira voir l'ELT, le télescope européen, on dira « Est-ce que tu pourras nous faire des observations complémentaires ?» notamment avoir des spectres, c'est-à-dire avoir la composition, etc. Et c'est seulement l'ELT qui pourra confirmer, notamment avec des instruments construits en France, que ces galaxies sont bien des galaxies primordiales. Donc c'est vraiment complémentaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir au sol l'ELT et en haut le James Webb télescope, ils regarderont la même galaxie et ils nous donneront... Pas au même moment, parce qu'il y a un système de compétition, etc. Mais donc James Webb découvrira une première partie, d'accord. On fera un tri et on dira, parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut malheureusement, si on pouvait ce serait formidable, on fera un tri et on enverra ça à l'ELT et avec de la chance, on pourra les observer, avoir des confirmations. On poursuit nos observations de l'univers avec Hervé Dolle dans un instant, le temps d'un bivouac cosmique sur France Inter. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Change my world. winging through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Across the Universe, c'était les Beatles sur France Inter. Pourquoi la nuit est noire? That is the question, comme dirait l'autre. La réponse paraît simple. Le soleil s'est couché et hop, c'est la nuit. Oui, mais alors, que voyez-vous dans un ciel sans nuages? Des milliers d'étoiles qui sont autant de petits soleils qui scintillent dans le ciel. Et pourtant, sur Terre, c'est la nuit. Par exemple, éteignez la lumière dans une pièce. C'est le noir complet. Mais si vous allumez la guirlande de votre sapin de Noël, ça éclaire aussi le salon, pas seulement le sapin. Mais ça ne marche pas avec les étoiles puisque la nuit reste désespérément noire. Étonnant, non? Eh oui, pourquoi il fait noir la nuit? On voit là une question simple, mais qui mérite d'être posée. Hervé Dolle, auteur de Le côté obscur de l'univers aux éditions Dunod, vous aimez particulièrement cette question? J'adore cette question parce qu'elle est très simple, très naïve et très profonde, et sa réponse oblige à faire des développements scientifiques contemporains et très intéressants. Alors en deux mots, pourquoi la nuit est-elle noire? Eh bien, comme l'évoque votre petit son, toutes les étoiles normalement devraient rayonnent, envoient de la lumière, et l'univers devrait être rempli de lumière au bout d'un moment, s'il y a une infinité d'étoiles, même si l'univers est infini. Ça, nos anciens, dans les siècles passés, avaient identifié le problème. Donc c'était un paradoxe, en fait. Et c'est au 19e siècle, c'est pas un scientifique, c'est Edgar Allan Poe qui, le premier, a dit, donc c'était une intuition, il pouvait pas le prouver scientifiquement, il a dit, mais si les étoiles ne sont pas éternelles, peut-être que ça expliquerait le fait que la nuit est noire parce que les étoiles ne rayonnent pas éternellement, elles sont pas allumées tout le temps. Pour reprendre l'analogie de la guirlande. Et c'est début du 20e siècle, fin 19e, que Lord Kelvin a prouvé effectivement que les étoiles n'étaient pas éternelles. Elles avaient une durée de vie. Alors il a eu des complications pour le mesurer, mais pour l'estimer, mais il avait raison essentiellement. Et donc tout allait bien au début du 20e siècle. La nuit est noire parce que l'univers est infini, il y a plein d'étoiles, mais elles vivent une durée courte par rapport à l'éternité. Et comme dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, voilà. Donc ça allait. Mais patatras, dans les années 1930, on découvre l'expansion de l'univers, 1920-1930. Donc l'univers s'étend. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, si on remonte l'histoire à l'envers, donc si on regarde dans le passé, l'univers était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud. Et là, il y a cette fameuse lumière du fond cosmologique qui baigne tout l'univers. Donc en fait, la nuit n'est pas noire parce que l'univers et la nuit sont remplis d'un rayonnement qui vient directement du Big Bang. Alors pour nos yeux, la nuit est vraiment noire parce que nos yeux ne sont pas sensibles à ce rayonnement du Big Bang, ce rayonnement cosmologique. Mais effectivement, avec des satellites comme Planck ou d'autres, si on avait des lunettes spéciales qui observent les micro-ondes, on verrait un univers brillant. Donc en fait, la nuit n'est pas noire, elle est remplie de cet écho lumineux du Big Bang. Donc c'est une histoire amusante. Et pourquoi il fait noir la nuit? La question était enfantine, la réponse l'était beaucoup moins. Nous allons rester dans l'enfance avec Jérémy Querené et sa chronique en partenariat avec le CNES, l'Agence spatiale française. Coupé, non, ça va pas du tout, coupé. Arrête ton cinéma. Ainsi commençait pour Ulysse, Thémis, Télémaque et Nono la plus fantastique des Odyssées. Depuis les directs, avec Apollo, jusqu'aux dernières productions hollywoodiennes, l'Amérique nous aura abreuvé et nous abreuve encore d'images spatiales. Mais la jeunesse de beaucoup d'entre nous aura aussi été bercée par de très nombreux dessins animés japonais. Goldorak, Capitaine Flamme, Albator, Ulysse 31, Jace et les Conquérants de la Lumière, toutes ces séries spatiales ont débarqué à la télé entre 1978 et 1985. Toutes sont entièrement ou en grande partie produites au Japon, la plupart d'entre elles provenant même d'un unique studio. Mais c'est le Capitaine Flamme ? Oui, c'est lui ! Et lui, c'est le Professeur Simon ! Et c'est Krag, le robot ! Pas la peine d'aller chercher très loin l'inspiration principale de ces séries. Elles ne font plus référence à la réelle conquête spatiale, mais à Star Wars. Le premier volet de la Guerre des Étoiles sort en 1977 et dès l'année suivante, donc, la télé japonaise diffuse les premiers épisodes de Capitaine Flamme et de Albator. Premier emprunt à George Lucas, on retrouve partout cette même idée que l'espace, c'est bien petit, on s'y dépasse plus vite que la lumière et on passe en quelques secondes d'une galaxie à une autre. Mais surtout, on retrouve partout le même genre de casting, un héros valeureux entouré de filles amoureuses, de vieux sages et de quelques robots espiègles. J'ai cru voir un étrange visage. Et toi ? Oui, on aurait dit un ancien dieu grec. Un dieu grec au 31e siècle ? Comment cela est-il possible, Ulysse ? Comme dans Star Wars, les vrais héros de ces dessins animés sont les vaisseaux spatiaux. L'Odysseus d'Ulysse 31 en forme de cyclope, l'Atlantis d'Albator en forme de cuirassé pirate, le Cyberlab du Capitaine Flamme ou encore la Caravelle de Jace, les vaisseaux ont marqué les esprits sûrement autant que leurs pilotes. En leur temps, Vasco de Gama et Christophe Colomb avaient été de grands voyageurs qui étaient partis à la recherche du monde de leur rêve. Des siècles et des siècles plus tard, d'autres hardis voyageurs allaient partir à travers l'espace pour trouver eux aussi la planète de leur rêve. Ces dessins animés reprennent tous aussi cette même et classique idée que pour imaginer notre futur, il faut se baser sur des références de notre passé. Nous retrouvons donc pêle-mêle des pirates, des robots écuyers, des magiciens et des temples grecs sur la plupart des planètes visitées. C'est bien entendu particulièrement visible dans Ulysse 31, transposition de l'Odyssée d'Homère au 31e siècle. Regardez, cette masse gazeuse s'étend comme une ombre dans le néant absolu. Oh! C'est ce qui reste d'un groupe d'étoiles qui se sont écroulées sur elles-mêmes. Un trou noir qui absorbe tout autour de lui. L'air de rien, ces heures de dessins animés auront sûrement façonné nos imaginaires futuristes et enrichi notre culture spatiale. Et je parle là de culture sans distinguer ce qui serait juste ou pas, scientifiquement, crédible ou pas. Mais nous sommes nombreux à avoir plus souvent entendu parler de trous noirs dans un épisode d'Albator que lors d'une conférence d'Hubert Reeves. Sans forcément y prêter attention, sans forcément tenter de comprendre de quoi il était question, les enfants des années 80 ont grandi en entendant parler quotidiennement d'étoiles, de galaxies, d'atmosphères respirables, de vitesse de la lumière ou de gravité. En l'an de grâce 2980, les terriens nagent dans l'opulence. Ils ont envoyé des robots qui exploitent les ressources d'autres planètes. En revoyant aujourd'hui ces dessins animés, une chose est frappante. Toutes ces fictions nous dépeignent un monde et une humanité en danger à cause d'une colère divine ou d'une classique invasion extraterrestre. Mais rien encore à l'époque sur les risques écologiques. Dans plusieurs épisodes, les méchants sont même des plantes qui envahissent tout, comme des ronces, des méchantes plantes qui mériteraient presque qu'on les asperge avec un puissant désherbant de l'espace. Dans la belle et mélancolique première saison d'Albator, l'humanité a même carrément réglé tout problème de ressources énergétiques et alimentaires. Mais elle n'est pas plus heureuse pour autant. Rassasiés, les humains passent trop de temps devant leur télé et se laissent gouverner par des flemmards. Il n'est donc pas encore question des problèmes engendrés par nos consommations excessives, mais on sent quand même déjà poindre à l'époque le danger et la culpabilité. Au revoir capitaine, je promets de me montrer digne de vous. Au revoir capitaine, au revoir. Oui, au revoir Jérémy Querené, merci pour tout. Vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Jérémy sur le site du CNES dont nous sommes partenaires, cnes.fr. Hervé Dolle, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que les dessins animés d'il y a 30 ou 40 ans, sans faire de la vulgarisation à proprement parler, nous ont sensibilisés au vocabulaire de l'espace? Complètement, moi qui suis un enfant des 70s, effectivement, Goldorak, Albator, tout ça, Professeur Procyon, Actarus, Vénusia, alors c'est Arcturus l'étoile en l'occurrence, c'est pas Actarus, mais effectivement, ça a distillé un vocabulaire et puis une ouverture vers des mots un peu compliqués qui est, je pense, très, très bienvenue. Ouais. Vous qui intervenez parfois dans les classes de primaire ou de collège pour parler d'astronomie, vous trouvez que les jeunes sont au courant, ont une bonne culture astronomique ? Alors, ils ont en général une très très bonne culture et une très grande ouverture d'esprit, mais le ressort que j'utilise quand je vais dans les classes et même à l'université avec mes étudiants, c'est la curiosité. Mmh. Parce que la curiosité n'a pas d'âge, n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas de background sociologique, elle est vraiment universelle et grâce à ça, on peut accrocher et attirer les élèves, les étudiants vers plus de connaissances et de raisonnements un petit peu plus compliqués que d'habitude. Oui, d'ailleurs, vous avez attisé la curiosité de nos auditeurs, il y a beaucoup de questions pour vous, vous allez y répondre dans un instant et puis vous nous donnerez aussi, j'espère que vous y répondrez, aussi. Et puis vous nous donnerez aussi quelques conseils pour observer le ciel pendant les nuits des étoiles de ce week-end. C'était la plage de Vanessa Paradis dans le temps d'un bivouac. Qu'est-ce que tu vois, cher astronome ? Je vois Saturne. Alors, à quoi elle ressemble ? Bah, alors, c'est un rond avec des anneaux autour. J'ai vu une planète faire une boule avec des anneaux autour. C'était très joli, ça m'a bluffé. C'est du visuel, c'est d'abord un plaisir avant tout, justement, avec le public. C'est tellement rare de pouvoir observer les planètes aussi belles. En plus, ce soir, on a un ciel qui est magnifique. On va voir la planète Mars qui va pas tarder à arriver et qui va être très grosse, très belle, très lumineuse. Nous étions dans le Gard l'année dernière pour les Nuits des Étoiles. Les Nuits des Étoiles se tiendront partout en France ce week-end. Des centaines de manifestations sont organisées pour vous permettre de contempler la voûte céleste. Il y a sûrement quelque chose près de chez vous. Nous avons mis un lien sur la page du temps d'un bivouac sur le site qui référence les différentes opérations de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder dans le ciel ce week-end, Hervé Dol? Eh ben, je vous conseille vraiment d'y aller, d'aller voir. Il y a la planète Jupiter qui est en début de nuit, qui est extraordinaire. Plus grosse planète du système solaire. Si vous regardez bien au télescope, vous verrez les bandes d'atmosphère. Donc en fait, on peut voir la météo sur Jupiter. Et puis surtout Saturne, un petit peu après, avec les anneaux, qui est vraiment absolument fondamental. Il faut absolument que chacun d'entre nous ait vu au moins une fois dans sa vie, avec ses yeux bien sûr, Saturne à travers un télescope. Vous qui utilisez ces télescopes gigantesques au sol et ces télescopes spatiaux, vous êtes encore fasciné quand vous regardez dans un petit télescope Complètement, d'ailleurs j'en ai un. D'ailleurs parfois, voilà, ma famille on a un peu ras-le-bol que je sorte à chaque fois le télescope, etc. Non, je plaisante. Mais non, c'est absolument fascinant. Et puis votre reportage l'évoquait, quand le public regarde dans un télescope, c'est un plaisir partagé. Alors il y a beaucoup de questions d'auditeurs, je vous en donne quelques-unes. Florence Porcel nous écoute et nous dit: quelle réponse préféreriez-vous avoir avant de mourir? Ce que je vous souhaite pour dans très longtemps, bien sûr, le fin mot de l'histoire sur la matière noire ou sur l'énergie noire. Qu'est-ce qui vous fascine le plus de ces deux questions? Je salue Florence déjà, que j'apprécie. Question difficile, hein. C'est un peu, est-ce que tu préfères ton père et ta mère? Oui, c'est à ce point, c'est la même passion pour l'énergie noire. Alors, moi, j'ai une petite préférence pour la matière noire parce que c'est plus tangible, ça concerne les galaxies, ça concerne la structuration de la matière et c'est un petit peu plus facile à appréhender. Parce qu'effectivement, l'énergie sombre est un petit peu plus difficile à concevoir. Mais c'est pas pour ça que c'est moins intéressant, bien entendu. Mais c'est vrai que moi, si j'avais, même bien avant ma mort, d'ici 10 ans, on saura ce que c'est que la matière noire et on aura résolu. Soit la théorie de la gravité est à revoir, soit on a découvert la matière noire. Augustin vous demande: où sont les ondes radio que l'on émet dans l'espace et jusqu'où peut-on émettre? Quels sont les objectifs des scientifiques? Alors, en fait, les astronomes n'émettent pas d'ondes dans l'espace, on les reçoit de l'univers. Mais effectivement, il est arrivé dans l'histoire qu'on émettait des ondes pour communiquer avec les sondes spatiales, tout d'abord, hein, c'est ça l'essentiel. Et puis, effectivement, dans les années 70, il y a eu un message qui a été envoyé pour une hypothétique civilisation lointaine, voilà, ça a duré quelques minutes. En fait, le signal, une fois qu'il est envoyé, il va jusqu'à l'infini. Mais nous, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on reçoit, on écoute et on observe l'univers avec les ondes radio. Mais les ondes radio que France Inter émet, est-ce qu'elles partent dans l'univers? Elles partent au fin fond de l'univers et en fait nous créons du bruit radio et si une civilisation lointaine a des radiotélescopes aussi sensibles que les nôtres, on pourrait écouter France Inter d'une lointaine exoplanète. Bon, alors tenons-nous bien, hein, peut-être que l'on nous écoute très loin. Soyons polis. Les trous noirs, vous demande Floriane qui précise qu'elle a 15 ans, les trous noirs dans tout ça, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, effectivement, parce que les trous noirs sont en fait des petites choses. Alors, très importante et fascinante, mais petite à l'échelle d'une galaxie. C'est vraiment, disons, un état de la matière qui est très, très, très, très condensé, qui est par exemple le résidu d'une étoile massive en fin de vie, hein, donc c'est typiquement une taille stellaire. Et puis parfois, il y a des trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Donc c'est vraiment une zone qui est très, très, très dense, alors très massive, mais surtout très, très dense, et la lumière ne s'en échappe pas. Et alors, on les perçoit grâce à la gravitation qu'elle exerce sur son voisinage, qui crée un gaz extrêmement chaud et qu'on détecte plutôt avec ça. Là aussi, c'est la théorie hein, qui a d'abord prévu l'existence des trous noirs, puis ensuite, on les a plus ou moins directement observés. Souvent, la théorie précède les observations, et c'est un peu le but de la démarche scientifique. Dans le cas de la matière noire et de l'énergie sombre, c'est un petit peu l'inverse. Jean-Rémy vous demande sur la page Facebook de l'émission: comment peut-on déterminer ou non la présence de la matière noire à l'aide du télescope Euclide? Alors, Euclide va faire des images de milliards et de milliards de galaxies, ultra fine, et en fait, on va observer autour de chaque galaxie la déformation des images des galaxies d'arrière-plan. Parce que la matière déforme les trajets lumineux. Et donc, en fait, chaque galaxie un peu massive ou autour de laquelle il y a de la matière noire, en fait, va déformer son environnement. Et en fait, sur une ou deux galaxies individuelles, c'est pas facilement détectable, mais sur des milliards, on va détecter ça de manière statistique. Ce qui est passionnant avec ces observations, c'est que là, on a évoqué le futur proche avec les prochains instruments qui vont partir ou qui sont presque déjà construits. Bientôt, on imagine, bientôt un peu plus tard, des satellites en constellation, toujours en orbite autour de la Terre, mais qui pourront recréer l'illusion de télescopes gigantesques, exactement, mais en orbite. Exactement. Alors là, ça promet une révolution. Là, ça promet une révolution, alors c'est pas encore complètement programmé, on le fait déjà depuis le sol. L'image, la fameuse image du trou noir qui est sortie il y a quelques mois, est issue d'une combinaison de 7 télescopes au sol, donc en fait le télescope de la taille de la planète Terre, ce qui est quand même pas rien. Et avec des télescopes dans l'espace, on fait déjà ça avec des ondes radio, parce que c'est un peu plus facile technologiquement. On va faire ça pour les ondes gravitationnelles dans quelques années. Avec des observations, disons, plus standards, je crois pas que ça soit encore prévu, mais c'est dans les plans un peu, dans les hypothèses et dans les fantasmes des scientifiques d'avoir, comme vous l'évoquez, un télescope absolument géant à partir d'une combinaison de missions spatiales. Ouais. On vous le souhaite, en tout cas, de disposer de tels outils pour avoir encore mille et une choses splendides à nous raconter. Merci, Hervé Dolle. Merci. D'être passé par notre bivouac. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le côté obscur de l'univers, paru aux éditions Duno. Dans un instant, nous allons nous lancer dans une traversée du Sahara avec un homme qui, pendant des années, a parcouru en tous sens ce gigantesque désert qui s'étend sur près de 9 millions de kilomètres carrés. Il a partagé la vie des peuples nomades, s'est lié d'amitié avec Théodore Monod. Sa passion et sa curiosité l'ont aussi conduit à s'intéresser à l'histoire des explorateurs d'hier qui se sont aventurés, les premiers dans cette région du globe. Tenez-vous prêts, juste après le flash, Jean-Marc Duroux nous emmène bivouaquer avec lui dans le plus grand désert chaud de la planète.